بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, qui crée et donne forme, qui prédestine et guide, et qui sort les herbes de la terre pour en faire un pâturage sombre. Nous allons t'instruire pour que tu n'oublies pas, sauf si Allah le veut. Car il connaît l'apparent et le caché. Nous allons te prédisposer à suivre facilement la voie du salut. Rappelle-la donc aux infidèles pour autant que le rappel de ton message soit écouté. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ce rappel sera uniquement entendu par ceux qui redoutent la colère d'Allah. Le damné, lui, s'en écartera. Il sera voué au châtiment du grand enfer. Il y demeurera, ni mort, ni vivant. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Heureux celui qui se purifie l'âme, qui invoque le nom de son Seigneur et qui accomplit la prière rituelle. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous, les humains, vous préférez la vie d'ici-bas, alors que la dernière est meilleure et plus durable. Ceci est bien souligné dans les écritures anciennes, les feuillets de Ibrahim et les tables de Moussa.